Yo, ¿hace cómo? De merde, il y a un clip chez moi, pis. Ouais, en mode barbecue, avec tous les mogos. Tu connais? Un peu de chili. On fait ça deux. Au karama. On est plus dans galère. On est trois fois bête. C'est nous les debout, ils sont jaloux. Pourtant c'est Dieu donné. Mais comment faire si Warivana? J'arrive en piste avec le jet, maman. J'ai fait comme à la Jitoujouya. J'ai mis dans Chokouya. Et j'ai fait comme à la Jitoujouya. Les gens est doux comme Chougouya. J'arrive comme Aladji Doudouya. J'ai mis dans Chocoya. Tout le monde va à Dubaï, Miami. Donc j'ai fait découvrir Cocolia. J'investis mon argent dans la pierre. C'est plus dur de le perdre. Ce sens c'est pour tous mes barateurs. Faut jamais se laisser faire. J'ai pas le temps pour les clashs. Prenez le L, j'garde le reste. Ils veulent pas que je me fasse. Donc ils disent pas mon nom dans leur texte. C'est les Shogun et Chebango, Chapala Chebande, mais c'est ni m'appelle Grando, à connaît pas à demander. Aladji a mis d'enfer, sa copine a mis d'enfer, on sait plus ce qu'on va faire, Seigneur tous les jours on se confère. J'ai carré mes trois fusées dans l'allée, y'a comme un effet malin, je laisserai le trône à ma fille, avant de m'en aller. On est plus dans galère. On est trois fois que c'est nous les debout, ils sont jaloux. Pourtant c'est Dieu donné, mais comment faire si Waribana? J'arrive en piste avec le jet, mama. J'ai fait comme Aladji Doudouya. J'ai mis dans Chokouya. Et j'ai fait comme Aladji Doudouya. Les gens est doux comme Chougouya. Aladji a mis d'enfer, sa copine a mis d'enfer. On sait plus ce qu'on va faire, Seigneur tous les jours on se confesse. Aladji a mis d'enfer, sa copine a mis d'enfer. Nous toujours on est d'enfer. Fais ça, fais ça, fais ça.